Salut Fanny. Salut Lorraine. Trop cool qu'on se retrouve pour boire un petit café, ça faisait longtemps. On est toutes là ? Non, il manque Perrine. Elle est un peu en retard. Ah mais non, je la vois arriver. Salut les filles. Désolée, j'étais hyper en retard, mais j'étais coincée dans les bouchons. Heureusement, j'étais en train d'écouter une émission super intéressante à la radio sur l'agriculture. Ça expliquait que même si c'était hyper important pour nourrir le monde, ça pollue quand même énormément. J'ai retenu un chiffre, jusqu'à 93% des émissions d'ammoniac viennent de l'agriculture, notamment via le fumier, les engrais azotés, l'élevage. Et on sait que l'ammoniac, c'est un gaz qui contribue au gaz à effet de serre qui pollue le monde. Du coup, je me demandais s'il n'existait pas une agriculture un peu plus durable. En ce moment, j'entends souvent parler des algues, comme quoi il faudrait qu'on en consomme plus régulièrement et que ce serait meilleur pour notre planète et notre santé. Et d'ailleurs, pendant mes vacances, je suis allée au salon de l'algue à Rennes et il parlait d'algoculture. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Mais oui, j'en ai déjà entendu parler. D'ailleurs, vous trouvez pas que ça ferait une super idée de podcast ? Allez, on se rejoint au studio ? C'est parti ! C'est parti ! Agro-j'écoute, ça commence. Agro-j'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro-j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous et merci d'écouter Agro J'écoute sur Campus FM. Je m'appelle Lorraine Gary et je suis accompagnée de Perrine Alarcon. Bonjour. Et de Fanny Viala. Bonjour. Nous sommes toutes les trois étudiantes à l'École d'ingénieurs de Purpan, spécialisée en agriculture et en agronomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une ressource encore assez méconnue, les algues. Les algues. Solution ou illusion ? Alors, je vais vous parler un peu du contexte. Avec la croissance démographique, nous devons produire davantage pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population, ce qui met une pression supplémentaire sur l'agriculture. Or, ce secteur doit déjà faire face à de nombreux enjeux, tels que la pollution des sols, la perte de biodiversité, l'utilisation intensive des ressources et en résulte les émissions de gaz à effet de serre liées aux pratiques agricoles. Ces gaz contribuent à l'augmentation du réchauffement climatique. À cela s'ajoute le changement climatique qui entraîne des phénomènes extrêmes tels que les sécheresses, inondations, tempêtes et rend les saisons instables et les rendements agricoles plus incertains. Pour répondre à ces défis, des alternatives sont étudiées, notamment l'utilisation des algues. Les algues présentent plusieurs avantages. Elles capturent naturellement le CO2, absorbent les nutriments excédentaires présents dans l'eau et peuvent être valorisées dans de nombreux domaines. Ces algues attisent la curiosité de nos chercheurs, constituent donc une piste intéressante pour nourrir une population croissante tout en réduisant l'impact environnemental. Sur le papier, les algues semblent être une ressource prometteuse. Par exemple, elles pourraient représenter une alternative pour une agriculture plus durable, comme par exemple moins de pression sur les terres agricoles, une utilisation comme engrais un peu plus raisonnable pour l'environnement, ou encore présente de fortes capacités nutritionnelles. Néanmoins, il est important de voir si cette solution prometteuse est réellement possible. Alors les algues, solution ou illusion ? C'est ce que nous allons développer dans ce podcast. Pour introduire, les algues sont des organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qu'ils vont puiser leur énergie via la lumière du soleil pour grandir. Elles sont considérées comme les ancêtres de l'ensemble des végétaux actuels et ont joué un rôle essentiel dans la formation de l'atmosphère que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'elles sont responsables d'environ 90% de la production mondiale d'oxygène contre environ 10% pour les forêts. On retrouve une grande variété dans les milieux, dans les mers, les eaux douces, mais aussi sur certains sols humides et dans l'air. Elles couvrent presque les trois quarts de la surface du globe. On distingue deux grands types de familles chez les algues, telles que les microalgues, microscopiques, capables de vivre dans presque tous les environnements, les macroalgues, plus grandes, qui se rencontrent uniquement dans les milieux aquatiques. Et il existe deux manières d'obtenir ces algues. On a l'algoculture qui consiste à cultiver les algues dans un environnement contrôlé, à des fins industrielles ou commerciales, et on a les récoltes sauvages qui consistent à prélever des algues directement dans leur milieu naturel. Contrairement à l'algoculture, elle n'implique pas de contrôle de milieu. Donc on ne parle pas vraiment, véritablement, de culture. Lorraine, tu pourrais nous en parler un peu plus de ces systèmes ? En France, l'algoculture ne représente que 0,5% des algues produites. Le reste provient d'algues sauvages qui doivent répondre à plusieurs critères stricts, comme des quotas, des dates de récolte, etc. On distingue deux systèmes de production, des systèmes ouverts, en mer ou en étang, plutôt pour les macro-algues. On retrouve beaucoup de systèmes cultivés et de récoltes d'algues sauvages en Bretagne, mais de plus en plus de structures en bassin se développent dans les terres et plus seulement en mer. Des systèmes fermés, comme des bioréacteurs et des fermentateurs, plutôt pour les micro-algues cette fois. Je vais maintenant laisser Perrine développer les étapes de culture. Merci Lorraine. Oui, ça peut être intéressant de comprendre un peu comment les algues sont produites. Donc je vais vous énumérer un petit peu les étapes de production pour les macro-algues et pour les micro-algues, mais de manière assez simplifiée parce qu'il faut savoir que les processus sont quand même beaucoup plus complexes que ce que l'on imagine. Pour les macro-algues, on a une première phase qui s'appelle l'écloserie, qui est une étape clé de la culture des macro-algues. Elle exige un contrôle strict des paramètres, comme les nutriments, la lumière, la densité, la température. L'objectif ici, c'est de produire des jeunes plants sains et performants avant leur transfert en mer. Cette étape est essentielle pour assurer une croissance optimale et d'avoir des plants en bonne qualité. Ensuite, en mer, la culture repose sur des long lines, autrement dit une corde ou une longue ligne horizontale suspendue dans l'eau, généralement à quelques mètres de profondeur, sur laquelle les algues sont fixées pour pousser. Les algues nécessitent de la lumière, donc on ne peut pas les cultiver à plus de 40 mètres de profondeur. La sélection variétale, c'est important dans ces cas-là, parce que ça permet de répondre à certains critères comme un fort rendement ou une bonne résistance aux stress environnementaux. Ensuite, on va voir la récolte qui se fait manuellement ou bien avec des bateaux équipés de bras coupants ou de râteaux qui ramassent les algues flottantes ou fixées. Après la récolte, on va sécher les algues, on va les stabiliser pour préserver les composés sensibles comme les protéines par exemple. Et ensuite, on va les transformer dans des sites de transformation pour en extraire donc le produit qu'on voudra. Mais ça, c'est important que les sites de transformation soient vraiment à côté de la zone de récolte pour éviter la dégradation des algues. Pour les micro-algues, les processus sont en général beaucoup plus complexes. On retrouve deux grands types de cultures. Une culture autotrophe, c'est-à-dire qu'elle va produire les algues vont produire leur propre nourriture avec de la lumière. Dans ces systèmes autotrophes, on va retrouver des bassins ouverts et des photobioréacteurs. Et ensuite, on va avoir ces systèmes hétérotrophes, c'est-à-dire qu'on va donner à l'algue la nourriture pour qu'elle puisse se nourrir. Et dans ces systèmes hétérotrophes, on va vraiment contrôler davantage la culture, donc la lumière, le CO2, le pH, la température et les nutriments, donc la nourriture qu'on va donner aux algues. Ensuite, on va récolter ces algues, on va les traiter donc, en les séchant et les extraire. Voilà globalement, de manière simplifiée, les étapes de culture. Est-ce que Fanny, tu peux nous parler un peu de son histoire, des histoires des algues ? Je vais surtout vous parler depuis combien de temps on en consomme. Donc il faut savoir que l'être humain en consomme depuis des millénaires. Elle était surtout très populaire en Asie. Elle servait à manger, soigner et parfois même à conserver les aliments. En Europe, l'usage était un peu plus différent. Au Moyen-Âge, en effet, on s'en servait surtout comme engrais et fourrage animalier dans les régions côtières. Avec l'ère industrielle, on commence à extraire l'agar, les alginates et les carrageenan à partir de ces algues. Ces substances sont utilisées dans l'industrie, la cosmétique, l'alimentation, mais en quantité très faible. Ce n'est qu'à partir des années 90, lors de la crise de la vache folle, qu'à ce moment-là, les industries ont dû substituer ces gélatines animales avec les gélatines d'origine marine. Du coup, on a eu un essor de consommation des algues avec l'agar et les carrageenan qui sont devenus des standards dans les desserts, les yaourts, les bonbons, les crèmes, mais aussi les charcuteries et certains médicaments. Parallèlement, à partir des années 50 et 60, l'Asie développe la culture moderne des algues avec des techniques efficaces pour nourrir une population croissante. Aujourd'hui, la Chine et le Japon sont les leaders mondiaux dans ce secteur. Et si on enchaînait avec pourquoi les algues font autant parler d'elles maintenant ? Si on fait un petit zoom sur le marché, la France est le deuxième fournisseur européen avec près de 70 000 tonnes d'algues par an selon le ministère de l'Agriculture. Ce chiffre correspond à de la récolte sauvage. À l'échelle internationale, elle est très loin derrière la Chine qui est leader de la culture d'algues. Au total, tous les ans, 3,5 millions de tonnes d'algues sont produites. Ainsi, la France fournit moins de 1% du rendement mondial. 99,5% des algues utilisées en France sont importées d'Asie. Les algues ont divers débouchés, comme par exemple l'alimentation animale. Inclure des algues dans l'alimentation animale réduirait nos émissions de CO2 de 2,6 milliards de tonnes équivalent par an. Les cultures d'algues produisent en moyenne 11,6 kg de CO2 équivalent par kilo d'algues, contre 29,1 kg de CO2 équivalent par kilo de côte de bœuf cru, soit quasiment 3 fois moins. Ensuite, dans l'alimentation humaine, elles sont source de nombreux minéraux, micronutriments, riches en composés antioxydants, en fibres, contribuant à une meilleure santé. Elles sont les producteurs primaires d'oméga-3 qui sont essentiels à notre fonctionnement. On les retrouve aussi comme texturants dans les produits agroalimentaires, comme l'agar-agar qui est extrait de certaines algues. On les retrouve aussi en cosmétique, toujours comme texturant, ou bien en principe actif pour des soins de la peau par exemple. On pourrait aussi citer les biocarburants, bien que le coût de production soit encore très élevé. En plus des nombreux débouchés, les algues rendent des services environnementaux essentiels. Elles protègent les côtes en absorbant l'énergie des vagues, elles protègent les plages de l'érosion. Elles oxygènent les eaux des côtes et donc limitent l'acidification de celles-ci, et elles captent le CO2 par définition. Donc les algues fascinent, elles captent le carbone, elles nous nourrissent, elles nous soignent, et elles pourraient même sauver nos océans. Nous sommes sur le podcast « Les algues, solutions ou illusions » avec Campus FM. Nous venons de présenter l'aspect solution, cependant il y a tout de même quelques points de vigilance à connaître, et je vais laisser Perrine vous les présenter. Oui, merci Lorraine. C'est vrai que c'est très intéressant, toutes ces sources des bénéfiques que peuvent avoir les algues, mais il y a quand même certains points de vigilance à avoir, notamment au niveau, par exemple, économique. Déjà, il est important de savoir que, comme tu l'as dit, la production est énormément concentrée en Asie, avec une main-d'œuvre qui est en général moins chère qu'en France. En ce qui concerne les coûts de production aussi, même si ça varie énormément en fonction du système de production, on va avoir, pour les micro-algues, des coûts qui vont être globalement plus chers, notamment parce que ce sont des systèmes de production beaucoup plus complexes et qui nécessitent beaucoup d'énergie pour la cultiver. Dans le cas de l'alimentation animale, par exemple, certaines études la décrivent comme plus chère que les farines traditionnelles, comme l'explique la revue de Bature et Hall, publiée dans la revue Livestock Science. Ensuite, il est important de faire attention aux facteurs climatiques, notamment avec le changement climatique que l'on connaît tous, qui va de plus en plus être un facteur prédominant. Par exemple, on va avoir des changements comme le réchauffement et l'acidification des océans. On va avoir des vagues de chaleur marine, des tempêtes. Et en fait, tout cela, ça va premièrement perturber les opérations en mer, qui vont être perturbées donc par la météo. Et ensuite, ça va être, il va y avoir peut-être des dommages physiques et des pertes importantes pour les exploitations, dans le cas, bien sûr, des algues cultivées dans la mer. Ensuite, il est important de considérer la disponibilité, pareil, encore une fois, de l'espace maritime. Les fermes d'algues doivent partager l'espace avec la pêche, le tourisme et la navigation, par exemple. On a ensuite un secteur qui est quand même très contrôlé, notamment avec Novel Food, qui décide si l'on peut commercialiser ou non les produits. Parce qu'on a beaucoup de nouvelles variétés, pour les micro-algues notamment, qui vont être découvertes de plus en plus, et on va pouvoir les mettre sur le marché. Mais néanmoins, d'un point de vue environnemental, sanitaire, on va faire des études d'impact, et on va voir en fait si ces algues peuvent être commercialisées ou non. Et ça, en fait, ça va restreindre la mise sur le marché de certains produits. Néanmoins, il est important de noter quand même qu'il y a une bonne dynamique en France avec des producteurs qui s'installent petit à petit, notamment par le biais de nouveaux bassins, comme tu l'as dit tout à l'heure Lorraine, davantage contrôlés et moins soumis à la compétition pour l'espace maritime et aux aléas climatiques, comme le fait France Halieutis par exemple. Bon alors, avec toutes ces informations, je ne sais plus trop quoi penser de l'algoculture. J'ai une idée, et si on faisait appel à un expert pour nous éclairer sur le sujet ? Super idée ! Afin de répondre à nos questions, nous sommes ravis d'accueillir Julie Persson, actuellement business developer au CEA et contributrice de la recherche sur les microalgues et les biotechnologies marines comme levier de croissance pour l'industrie et la société. Elle a aussi rédigé un livre nommé Turquoise qui parle des algues, la filière du futur, qui a été rédigé en 2010. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Julie. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Vous avez beaucoup, durant votre carrière, travaillé sur les algues, sur leur durabilité dans les filières du futur et leur production. Dans ce contexte, nous avons quelques questions à vous poser à ce sujet, afin de nous aider à éclairer certains points un peu flous. Pas de problème. Vous êtes engagé dans un avenir un peu plus durable. En quoi les algues pourraient répondre à cet objectif ? Les algues, c'est un peu les ancêtres de toutes les plantes sur Terre. Ça fait partie des premières formes de vie apparues sur la planète. Et elles sont très intéressantes parce qu'elles sont le premier maillon de la chaîne alimentaire. Elles ont la capacité, comme vous l'avez présenté, de faire la photosynthèse. Et par la photosynthèse, elles vont transformer le CO2 en biomasse disponible pour la planète et pour l'environnement. Et ce qui est intéressant également, c'est que du coup, elles sont capables de pouvoir synthétiser beaucoup de composés d'intérêt, notamment pour l'alimentation, avec tout ce qui est des lipides, des protéines, des texturants, mais également tout ce qui va être après des biostimulants qu'on peut aller chercher aussi pour les plantes, donc pour aller viser une agriculture plus durable. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui aussi, c'est que avec l'évolution un peu des mentalités sociétales, on voit un fort intérêt à développer ces aspects-là, notamment pour aller remplacer des composés qui sont pétro-sourcés aujourd'hui dans différentes industries. Et donc ça devient très intéressant pour aller répondre à cet objectif de durabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller explorer et chercher aussi bien dans les micro-algues que dans les macro-algues des réponses à nos enjeux aujourd'hui pour l'environnement et pour aussi que la société puisse, qui est devenue de plus en plus sensible à ça, puisse pouvoir trouver réponse à ses besoins. N'avez-vous pas peur que les algues deviennent une culture très industrialisée, intensive et deviennent presque néfastes pour les écosystèmes marins avec un déséquilibre ? Alors en tout cas en France aujourd'hui, pour pouvoir s'implanter en tant qu'industrie, que ce soit dans les cultures en mer ou que ce soit sur des installations à terre, il faut savoir aussi que les installations à terre, par exemple, elles ne rentrent pas en compétition avec les terres arables. Donc ça, c'est aussi très intéressant. On peut aller faire pousser des algues sur des terres qui peuvent être des anciennes friches industrielles ou des choses comme ça. Il faut savoir que toute installation en France aujourd'hui est très contrôlée au niveau de ce qui est environnemental et donc s'assurer qu'il n'y aura pas un impact négatif sur l'environnement aujourd'hui. Il y a vraiment plusieurs services de l'État qui veillent à ça. Et donc, en France, et notamment en Europe aussi, on veille à développer des entreprises avec cette réflexion et cette intelligence des différents enjeux que cela représente. Sur quel débouché des algues, alimentation, cosmétiques, matériaux, les entreprises se concentrent le plus en France ? Alors, en France et en Europe, on est sur des pays quand même avec un fort pouvoir d'achat. Donc, qui dit fort pouvoir d'achat dit un coût de la main-d'œuvre élevé. Et aussi, on a vu là avec la crise en Ukraine, etc., la guerre en Ukraine, tout ça, une inflation forte et notamment des prix de l'électricité, de l'énergie qui se sont envolés. Donc, on va être à viser des produits plutôt à haute valeur ajoutée dans un premier temps. Donc, comme tout ce qui est la cosmétique, la nutraceutique, donc c'est tout ce qui est complément alimentaire, nutrition, santé, dans un premier temps pour aller réussir à aller avoir une économie pérenne pour les entreprises, viser la pérennité économique. Et progressivement, il y a d'autres projets qui visent à plus long terme des aspects un peu plus alimentation, plus ensuite derrière tout ce qui va être biomatériaux, biostimulants, bioremédiation des eaux, voilà, c'est des choses qui se développent progressivement au fur et à mesure aussi avec des entreprises qui se présentent dans l'écosystème français. Et au niveau économique, est-ce qu'aujourd'hui en France, l'algoculture est rentable et quelles sont les difficultés à son développement ? Alors comme on l'expliquait là, c'est vrai que c'est des vrais enjeux en termes de production, en termes de maîtrise des coûts. Elle commence à être rentable pour certains acteurs. Alors ça dépend quand on regarde la micro-algue ou la macro-algue. La macro-algue, c'est des acteurs qui sont quand même déjà assez bien établis et qui continuent leur développement. Et la micro-algue, il y a quelques acteurs qui commencent à se positionner et à commencer à viser une certaine rentabilité. Mais c'est vrai que ça prend du temps et c'est pour ça qu'on vise déjà les marchés à haute valeur ajoutée. Et comment vous voyez la filière au futur ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toute cette dynamique de filière, elle est de plus en plus poussée avec la volonté aujourd'hui, la prise de conscience sociale et sociétale des enjeux à la fois environnementaux, planétaires. La crise du Covid a pas mal fait cette prise de conscience. Et par des grands acteurs, comme le numéro 1 de la cosmétique, par exemple, au Monde, qui a décidé d'avoir, d'ici 2030, 95% de ces ingrédients qui soient d'origine sourcés, biosourcés. Et ça, c'est des tendances qui poussent finalement le développement de la filière aussi pour pouvoir répondre à des nouveaux enjeux et trouver des solutions alternatives à la fois à des composés pétrosourcés et aussi des solutions alternatives à des protéines, parce qu'on sait bien que la viande de bœuf, c'est très bon, mais que ça a un impact environnemental beaucoup plus important que d'avoir des protéines qui soient sourcées au niveau végétal ou au marine. Donc il y a des belles perspectives dans ce sens aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, pour toutes ces informations et d'avoir répondu présent pour ce podcast. Merci à vous et bravo. Merci. Finalement, les algues sont un domaine en essor qui a la capacité de répondre à beaucoup de nos enjeux futurs. De nombreuses start-up et entreprises investissent et se spécialisent dans ce domaine. Cependant, les algues ne vont pas tout résoudre. Elles pourront venir en soutien à d'autres projets de protection environnementale et de réduction des émissions de CO2. La réalité technico-économique de la filière et les géants du marché sont une limite à son développement. Merci de nous avoir écoutés. C'était Lorraine, Perrine et Fanny pour le podcast Agro J'écoute, algues, solutions ou illusions, en collaboration avec l'École d'ingénieurs de Purpan, Campus FM, la commune de Toulouse et la région Occitanie. Merci. Campus FM.